Yeah, yeah, Gonzalez, Land DC, yeah. You know what I'm saying? Yeah, Montréal 2003, yeah. Mon hip hop, ça vient du cœur. Mon hip hop, ça vient du cœur, yo. Mon hip hop, ça vient du cœur. Check ça, yo. Hey yo, écoute, qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis un maître de cérémonie qui veut s'en sortir, construire son avenir. Voir un enfant sourire, voir ma femme jouir, puis escalader ses désirs. Voir ses beaux yeux à mon réveil, sentir sa chaleur jusque dans mes oreilles. Mon rayon de soleil, let's go, je me roule un spliff. Après, je pense à l'extérieur de ma vie sentimentale et aussi le lyrical qui reste gravé dans mon mental. Même si à chaque jour, je vois rien de normal. Plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, yo. De nos jours, il pleut, piétonne comme une saison d'automne. C'est en 2003 que je fais mon ultimatum avec mon pote que je console qui m'assomme. Y'a rien qui m'impressionne. C'est dans le rap que je passionne. C'est dans le rap que j'actionne. Tout est fake MC qui déconne. Le rap me rentrait dedans comme un coup de vent. Yo, yo, mon hip hop, ça vient du cœur. Comment ma famille, ça vient du cœur. Comment mes amis, ça vient du cœur. Yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur. Mon hip hop, ça vient du cœur. Comment ma famille. Ça vient du cœur, comment mes amis. Ça vient du cœur, yo. Tout qu'est-ce qu'on possède, yo. Ça vient du cœur, Y'a plein de rappeurs avec des lyrics qui sont même pas véridiques. Si t'as tout foutu dans l'industrie de la musique, qui descendent si vite. Ça prend pas juste un beat puissant, ça prend aussi du talent. On est né avec le rap dans le sang. On fonce comme toutes les real MC à 100%. J'ai pas l'intention de lâcher, j'suis pas dans l'ancheté. Y'a des MC qui sont real, mais y'a des MC qui sont vraiment nuls. Qui fait juste se vanter, qui en a rien à foutre de la réalité. Pour eux, c'est juste l'argent, pis le bling bling qui compte. Y'en a qui me font honte, tandis que nous autres, on manque. Faut que tes flots viennent du cœur. Yo, si pense le meilleur, faut voir ailleurs. L'hip-hop, c'est une expression propre, arrête d'agir en salope. Ton argent pousse des arbres, c'est sûr que c'est agréable. Mais ton respect disparaît parce que tu te vantes sans arrêt. Le fake dans l'industrie, c'est pas ta place, yo. Yo, mon hip-hop, ça vient du cœur. Comment ma famille, ça vient du cœur. Comment mes amis, ça vient du cœur. Yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur. Mon hip-hop, ça vient du cœur. Comment ma famille. Ça vient du cœur, comment mes amis. Ça vient du cœur, yo. Tout qu'est-ce qu'on possède, yo. Ça vient du cœur, Mon hip-hop, comme je te dis, ça vient du cœur. Puis j'en ai rien à foutre, certains savaient pas leur bonheur. C'est à moi-même que je porte honneur. J'ai pas de besoin de prof, j'ai pas de besoin de me penser top. Comme certains qui parlent trop avec son Mac. Y'en a qui parlent pour rien dire. Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que je veux réussir. Avoir qu'est-ce que je désire. Je s'attends que la vie me dise de partir. J'ai des choses à accomplir, avant que mon cœur se déchire. Je veux m'enrichir sans mentir, qu'on écoute qu'est-ce que j'ai à dire. Parfois dans la vie, faut se démerder. Pour faire X, prêt pour s'emmerder. Attendre son chèque du premier à paranoïer toute la journée. Non, vie, on lâche pas. Mon hip-hop, il vient du cœur, même si tout va mal. Yo, mon hip-hop, il vient du cœur, même si tout va mal. Yo, mon hip-hop, il vient du cœur, même si tout va mal. Yo, mon hip-hop, il vient du cœur, même si tout va mal. Hey yo, mon hip-hop, ça vient du cœur. Comment ma famille, ça vient du cœur. Comment mes amis. Ça vient du cœur, yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur, mon hip-hop, ça vient du cœur, comment ma famille, ça vient du cœur, comment mes amis. Ça vient du cœur, yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur, Rien ni personne va m'empêcher de faire mon beat qui résonne, mes lyrics qui assomment, mon hip-hop qui me passionne, mon microphone toujours à on, j'actionne, des flows j'en ai des tonnes, donne trop pour que j'additionne, mon hip-hop c'est comme une drogue, je le consomme à 100% dans mon sang pour l'underground, des raisons d'avancer, j'en ai des bonnes pour mon rap, ma femme, ma famille, mes homies, mon cœur je la donne, écrase toi une minute, pis écoute bien qu'est-ce que je vais dire, sans rapport avec l'avenir, pis t'écris. De désir que t'essaies d'obtenir, pis est-ce que ça fait souffrir? Mais faut que tu gardes le sourire, même si ça te fait pas plaisir. Le démon, on l'entend rire, pis ça nous donne le goût de fuir. De partir loin d'ici, pis plus jamais revenir, se laisser mourir. Voir sa vie s'écrouler, se détruire au lieu de construire. Laisser tomber des projets au lieu de continuer, qu'est-ce que t'as fait? Mon hip-hop, ça vient du cœur, comment ma famille? Ça vient du cœur, comment mes amis? Ça vient du cœur, yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur, mon hip-hop. Ça vient du cœur, comment ma famille. Ça vient du cœur, comment mes amis. Ça vient du cœur, yo, tout qu'est-ce qu'on possède, yo, ça vient du cœur,